Chapitre 4. L'albinos. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Patrice. C'est un orage de chaleur, ajouta-t-elle, car on ne voit pas de nuages. On ferait peut-être bien de rentrer. Tu te rappelles que, la dernière fois que je suis venue, je prenais, avant de vous quitter, congé de vous sous la voûte. Ton père me dit, allons, embrasse-la. Je vais pour t'embrasser. Pan, un coup de tonnerre. Comme si la foudre était tombée sur la maison. Et je n'ai pas pu t'embrasser. Ton père m'a littéralement jeté dehors en me criant « Va vite, l'orage, cours à la gare !» Et il m'a fermé la porte sur le nez. Dehors, il n'y avait pas d'orage du tout. « Oh !» fit Madeleine, en jouant négligemment avec une fleur qu'elle venait de cueillir. « Chez nous, on n'y fait pas attention. Il tonne souvent à propos de rien du côté des bois noirs. C'est la forêt qui veut ça. » « Papa dit que c'est l'électricité forestière. »« L'électricité forestière? Je n'ai jamais entendu parler de cette électricité-là. » Papa a voulu me l'expliquer, mais je n'y ai rien compris. À ce qu'il paraît qu'à Java, les forêts tonnent comme ça tout le temps. « Écoute, l'orage s'éloigne. Entends-tu, Patrice ?» Et ils tournèrent la tête du côté de la grille, à travers des barreaux de laquelle on apercevait la lisière des bois noirs. Aussitôt ils virent, contre les barreaux, une figure extraordinairement blonde, couverte de taches de rousseur, dans laquelle s'ouvraient des yeux d'or d'albinos. Cette figure, immobile, les observait sans remuer, avec une obstination indécente. Le jeune homme, outré, avait déjà fait un mouvement vers la grille, quand la voix de l'albinos le cloua sur place. « Monsieur Patrice !» Ces mots, qui lui ordonnaient de ne pas bouger, la façon dont fut prononcé son nom, Patrice, sonnèrent si formidablement aux oreilles du jeune homme qu'il s'arrêta, le cœur battant, le sang aux tempes. Madeleine lui avait pris la main et ne bougeait pas plus que lui, observant l'albinos. Celui-ci, tranquillement, allongea entre les barreaux de la grille le canon de son fusil et tira dans leur direction. Les jeunes gens poussèrent un cri horrible. Un merle tomba à leurs pieds. « Eh bien, qu'est-ce que vous avez ?» demanda avec une grande sérénité le chasseur. « Vous n'êtes pas blessé ?»« Non, mais on n'a pas idée de tirer comme ça sous le nez des gens !» fit Madeleine en colère. « Et je n'ai jamais manqué mon coup. De quoi avez-vous peur ?» Patrice, encore tout frissonnant, s'était baissé pour ramasser l'oiseau. « La pauvre bête » murmura-t-il. « Je l'offre aux amoureux pour leur déjeuner. Adieu, mademoiselle Madeleine. Adieu, monsieur Patrice. » Et comme Patrice voulait lui jeter l'oiseau à travers la grille, la jeune fille l'arrêta prudemment dans son geste brutal. « Adieu, monsieur Élie, et merci, » fit-elle d'une voix sourde. L'albinos avait déjà disparu derrière le mur. Patrice allait parler, mais Madeleine lui mit sa petite main sur la bouche. Cette main tremblait affreusement. Elle l'ôta seulement quand on n'entendit plus le bruit des pas de l'autre sur les cailloux de la sente. « Oh, fit-elle, qu'il m'a fait peur avec son fusil !»« Et avec sa phrase !» souffla Patrice. « C'est que je vois encore le fusil passer au travers des barreaux, » dit Madeleine. « Tu sais, mon chéri, s'il avait tiré sur nous, c'est moi qui le frappais la première. Je m'étais mise devant toi. » C'était vrai. Patrice ne s'était pas rendu compte de ce mouvement héroïque tout d'abord. Il prit Madeleine dans ses bras. Quelqu'un toussa derrière eux. C'était Noël que Coriolis envoyait au-devant des jeunes gens. « Le maître appelle, » dit-il de sa voix toujours un peu enrouée. Et il s'en retourna, les mains dans les poches et les chines tristes. Ils le suivirent du côté du verger. « Quelle existence est la tienne, » reprit Patrice, « entre ton père monomane, la vieille Gertrude stupide, et ce garçon que je n'ai jamais vu rire. » Il montrait la silhouette penchée de Noël. « Ils ne sont pas gais, les naturels d'Aïnan. » Et ce n'est pas la culture de la plante à pain qui semble devoir les réjouir. « Tu ne connais pas Noël, » fit Madeleine. « Quand il veut, il n'y a pas plus gai compagnon que lui, » demanda Gertrude. « Il y a des jours où il nous fait rire comme des folles. »« Tant mieux, mais moi je l'ai toujours vu triste à pleurer. »« Quand il y a du monde, il est comme ça. Il est timide. » Ils étaient arrivés à la porte du verger. Noël, qui paraissait de plus en plus affligé, la leur tenait ouverte bien humblement. Ils passèrent. « Il n'a pas embelli, » dit Patrice à Madeleine. « Oh, » fit vivement Madeleine, « tu le trouves laid. As-tu regardé ses yeux? J'en ai rarement vu d'aussi intelligent. » C'est vrai, acquiesça Patrice, peu contrariant. Coriolis était devant eux, sur la porte de la serre. Il n'avait pas l'air enchanté. « Je vous ai fait appeler par Noël, » dit le vieux Coriolis en fronçant le sourcil, geste qui lui était habituel et qui n'effrayait plus que Noël, « parce que j'ai cru entendre qu'il faisait de l'orage. Mais je me suis peut-être trompé. À mon âge, on commence à ne plus être sûr de son oreille. » Patrice l'écoutait, stupéfait du ton sur lequel il parlait de l'orage. Son étonnement ne connut plus de bornes quand il entendit Coriolis leur demander avec brutalité. « Enfin, vous ne voudriez pas me tromper. A-t-il tonné, oui ou non ?»« Moi, je n'ai rien entendu, » répondit Madeleine avec la plus grande effronterie. Et elle avait fait un geste discret vers Patrice pour que celui-ci ne la démentît point. Malheureusement, le jeune homme disait déjà, sans dissimuler son ahurissement. « S'il a tonné, mais je pense bien qu'il a tonné. J'ai cru que le tonnerre était tombé sur la maison. » Madeleine était devenue rouge jusqu'à la racine des cheveux. Coriolis la menaçait de son index sévère. « Tu as tort, Madeleine. Tu sais que je n'aime pas ça. Où irions-nous si je t'écoutais ?»« Mais papa, moi je t'assure que je n'ai pas fait attention au tonnerre. Ce doit être à cause du coup de fusil d'un albinos qui m'a bien effrayé. » Encore Élie, sans doute, » bougonna Coriolis. « Oui, papa, Élie. Il a eu le toupet de tirer un merle dans le jardin pendant que nous y étions. » « Le voilà, » dit Patrice en montrant l'oiseau qu'il avait apporté. « Le bandit, » murmura l'oncle. « Il faudra que je lui dise d'aller garder notre gibier un peu plus loin, s'il lui plaît. On voit trop sa figure à celui-là depuis quelque temps. » Madeleine, dont l'embarras n'avait pas cessé, dit « Tu as bien raison, papa, mais je le lui ai déjà fait dire par Zoé. Qu'est-ce que tu lui as fait dire ? Qu'il aille chasser un peu plus loin, que ses coups de fusil me faisaient peur. Il a fait répondre par sa sœur qu'il veillait sur nous de plus près, parce que, depuis les assassinats, le pays n'était pas sûr. Et qu'est-ce que tu as répondu, toi ? Bah, je lui ai fait porter un litre de rhum. Il y avait longtemps qu'on ne lui avait donné quelque chose. Tu as bien fait, Madeleine. Encore un peu de patience avec tous ces vauriens. Tu n'as pas dit à Patrice ? Non, papa, je ne lui ai rien dit, répondit avec un aplomb enchanteur la jeune fille. Patrick pensa. Comme elle ment ? Et il ne la trouva que plus charmante. Eh bien, apprends-lui que nous allons prochainement nous installer à Paris. Oui, mon cher Patrice, à Paris. Vous avez donc fini de travailler la plante à pain, mon oncle ? « Oui, mon neveu, elle est majeure. Allez faire un petit tour avant le déjeuner. J'ai un mot à dire à Noël. » Les jeunes gens quittèrent le verger. Patrice fut étonné, en repassant auprès de Noël, de voir le pauvre garçon trembler comme une feuille. 5 minutes plus tard, comme Patrice et Madeleine entraient dans la cuisine de Gertrude pour s'intéresser au déjeuner, ils entendirent de lointains et terribles cris de désespoir. « Qu'est-ce que c'est ? Interrogea Patrice en frissonnant. Rien, fit Madeleine, la bouche un peu pincée. C'est Noël qui aura encore fait quelques bêtises et papa le corrige. Patrice, étonné, tourna la tête du côté de la vieille Gertrude et vit qu'elle pleurait. Mon Dieu, il va le tuer, fit-elle en se mouchant. Ce n'est pas raisonnable de battre un grand garçon comme ça. C'est extraordinaire, dit Patrice outré. Et jamais je n'aurais cru que mon oncle. « Ton oncle sait ce qu'il a à faire avec un vaurien comme ce Noël, » répliqua Madeleine. « Il n'y a pas d'autre façon de se faire obéir au pays des boys d'Extrême-Orient. » « Et puis papa est très énervé chaque fois qu'il entend le tonnerre, » ajouta-t-elle rapidement. Elle semblait bouder Patrice et était presque aussi émue que Gertrude. « C'est donc cela, fit Patrice, que tu me faisais signe et que tu mentais à ton père avec le tonnerre. » « Oui, c'est cela, Patrice. » Le jeune homme allait s'excuser, mais il fut interrompu par l'arrivée d'une gamine de 13 à 14 ans, noire comme une taupe, avec des yeux magnifiques. Elle était vêtue d'une méchante petite jupe rapiécée qui laissait voir des mollets de coq. Elle dit à haletante « C'est Noël qui crie encore comme ça. Monsieur le bat encore !»« Oui, Zoé, fit Gertrude, c'est une pitié !» « Oh, j'ai bien pensé qu'il y aurait encore du grabuge de ce côté-là quand j'ai entendu le tonnerre, » fit-elle. « Viens donc m'aider à récurer mes cuivres, » dit Gertrude. Ainsi, dans les ménages de Saint-Martin, on occupait de temps à autre cette petite gamine de Zoé pour se faire bien voir des trois frères.